Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosécrans.com pour la première émission de Sur nos écrans de cette année 2016, première émission qui sera consacrée au bilan à mi-saison d'Agents of S.H.I.E.L.D., donc bilan de la mi-saison 3 pour la série d'ABC. Est-ce que les promesses sont toujours tenues? Est-ce que par rapport à la dernière fois qu'on en avait parlé, on est toujours satisfait de la série? C'est ce qu'on va voir avec cette émission. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 35e numéro de Sur nos écrans. My name is Bruce Wayne and I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'd be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. The dead will disappear. Become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gonna catch on. Et avec moi ce soir, Arnaud. Salut. Elodie. Bonsoir. Petit moment qu'on n'avait pas entendu Elodie. Eh oui, ça y est, c'était les vacances, je peux faire mon rattrapage. Donc Elodie qui prend donc des vacances de 4 mois. Hein. Non, c'était les vacances, j'ai pu rattraper parce que j'ai pas pu voir. Exactement. Oui, tu t'es infligé plein de mauvaises choses. Tu vas pouvoir nous en parler juste après. Irish qui est avec nous ce soir aussi. Salut. Et Léo. Salut. Léo qui finalement fait partie des meubles maintenant sur nos écrans. Hein. Avec trop d'honneur, trop d'honneur. Taper Gotham, tout ça ensemble, il n'y a pas longtemps donc. Ouais. C'est la petite touche attractive de l'émission. Sur les vacances de Noël, finalement, sur les vacances de Noël, c'était toi et moi et c'est tout, puisque c'était Heroes Reborn et Gotham, donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas. Ouh là là, du lourd. Qu'on n'avait pas entendu les autres voix. Ah oui, ouais, du lourd. Ah oui, du lourd, du très On lourd. On se demande pourquoi vous n'avez pas entendu les autres voix. Bah moi, c'est parce que j'ai pas pu. Sinon, j'aurais bien aimé participer à Gotham. Je déconne, mais Heroes Reborn. Ouais, j'aurais bien aimé dire un peu de mal. Aussi. Oh bah c'est pas grave, il reste 3 épisodes, tu nous rejoindras pour le bilan de saison. Moi je veux bien ne pas regarder Gotham et en dire du mal. Ouais, mais c'est pas possible. Ouais, mais ça tu le fais déjà, non? Voilà. C'est quelqu'un qui n'aime pas la série qui la défend, merci. Oui, oui. Allez, on est parti. On va commencer comme d'habitude hein, par ce qu'on a vu récemment. Donc peu d'inédits a priori, mais peut-être que certains ont rattrapé des choses, certains ou certaines, puisque je sais qu'en tout cas, Elodie a rattrapé des choses pendant ses vacances. Donc voilà, quel a été votre programme pour les vacances du côté série et pourquoi pas ciné en ce qui concerne les comics et les choses un peu geek. Arnaud. Juste horrible Supergirl. Depuis la dernière fois qu'on en a parlé, c'était quand on avait parlé d'épisode 6. Ouais, peut-être. Donc, il y en a eu deux autres épisodes depuis. Et les bonnes choses de l'épisode 6 ne sont pas fructifiées. Et c'est assez mauvais. Et t'as envie de, quand tu vois le final de une saison, tu as envie de te dire tout ça pour ça. Comme on mettrait sur les cahiers des gosses au collège, peut mieux faire. Hein. Devra faire ses preuves. Voilà. Okay. Non, donc rien de super intéressant et j'ai toujours pas rattrapé les zombies. Oh, ça va, t'as encore un petit peu de temps avant le bilan. Ouais, j'aime bien les petits marathons et les zombies. Ok. Y en a une qui s'est tapée pas mal de marathons, hein, c'est Elodie. Alors vas-y, partage avec nous ta souffrance. Ah, mais tout n'était pas que souffrance. J'ai pu voir Jessica Jones, qui était une très bonne surprise. Donc Jessica Jones, tu l'as fini, ça y est? Oui, bon, il y a déjà quelques temps, mais comme c'était après que vous ayez fait le bilan. C'est ça. J'ai pu rattraper surtout Arrow et Flash. Ah. On va pas commencer à débattre dessus, sinon. Non, voilà, on va juste dire que tu t'es tapé 7 épisodes, c'est ça, d'Arrow à la suite. Ah ben c'était pas le pire, cet épisode de Flash, ça c'est bien pire. D'accord, ben on en reparlera la semaine prochaine, voilà. Puisqu'on enregistre des bilans des deux séries, je crois, la semaine prochaine. Remarque que je me contiens, je me réserve pour la semaine prochaine. Et exactement, donc... on n'est pas dans le débat, chacun raconte là. Et vivement que tu rattrapes The Walking Dead, Léo. Ben voyons. Et j'ai aussi rattrapé des films, dont Star Wars. Mm-hmm. Alors tu as rattrapé, c'est-à-dire t'en as vu 7. Non, j'ai juste vu le dernier, mais comme c'est pareil, vous avez fait le film après que je ne l'avais pas vu. Et bien alors? En retard encore. Ah bah j'ai beaucoup aimé, c'était très sympathique, à part un méchant qui laisse à désirer, mais... Ah bah ouais. On n'est pas dans le débat, on la laisse t'exprimer. Voilà. Allez, Riche, pour ta part. Moi pour ma part, c'était principalement Supergirl. J'ai rattrapé Supergirl. Et je trouve quand même, Arnaud, tu restes quand même assez très dur avec cette série. Il y avait Elle est pas extraordinaire, elle est pas géniale. C'est sûr. Mais voilà, mais ça se regarde, ça se laisse regarder. Si t'es un peu indulgent, si tu veux de la top qualité, regarde pas ça. Non. Bon, après, tu parlais du mid-season, il y a un souci qui, de toute façon, n'est pas propre à Supergirl, mais plutôt à l'univers DC avec le délire, t'as tes lunettes, on te reconnaît pas, tu les enlèves, bah, ah, mon dieu, hein, c'est elle. On en parlera dans le pire. On va pas s'attarder sur des souvenirs comme ça, parce que voilà, mais. Ouais, les pires dans le final. Donc voilà, donc Supergirl, j'ai regardé, c'était. Alors, bon, après, il y avait que ça à regarder, donc je me suis laissé prendre. J'ai revu la saison 3 de Agents of S.H.I.E.L.D. dans un petit marathon, et voilà, c'est tout aussi bien. J'ai pas fini, mais voilà, c'est tout ce que j'ai eu à voir pendant la course. Et Léo, du coup. Bah, pas plus de nouveautés que ce qu'on a fait en termes de podcast ces derniers temps. Gotham s'est fini depuis un certain temps. Arrow et Flash, idem. J'avais peut-être juste le retard sur le crossover Legends of Today, Legends of Yesterday, que j'ai bien aimé, mais sans plus. Enfin, voilà, ce sera pas mal. J'attends surtout de voir Legends of Tomorrow qui arrive. C'est à l'image de la saison. Oui, c'est ça, oui. C'est un peu ça. Et puis, Agents of S.H.I.E.L.D., là, on va en parler. Et Star Wars, bon, j'ai fait le podcast avec vous, et là aussi, de toute façon, moi, je l'ai vu deux fois, et les deux fois, j'ai été aussi enthousiaste. Donc, voilà, rien de... Je suis à la bourre sur Supergirl, et c'est... Ok. Pour ma part, Supergirl, évidemment, c'était la seule série pour laquelle j'avais encore du retard. À part iZombie, il m'en manque un. Sinon, je suis à jour sur toutes les séries comics. Parce que, vu ce qui nous attend en janvier, il valait mieux se mettre à jour avant. Supergirl, ouais, je suis pas aussi catégorique non plus. C'est hyper classique, ça suit des codes, etc. Mais voilà, c'est quand même bien mieux que ce que le pilote nous laissait imaginer. Allez, on va passer au vrai, vrai programme de cette émission, qui est le bilan d'Agents of S.H.I.E.L.D. à mi-saison, donc moitié de saison 3. Si je ne me trompe pas, 10 épisodes ? Oui. C'est ça. 10 épisodes qui nous ont fait vivre pas mal de choses, peut-être pas celles qu'on imaginait en voyant la conclusion de la saison 2, mais qui nous ont quand même montré l'arrivée de l'ATCU, l'enracinement d'Hydra dans l'histoire très très lointaine de l'univers Marvel cinématique, une mystérieuse planète, une révélation avec un superbe épisode que vous avez choisi de primer au Comic Stories Award notamment, pas mal de choses sur cette première moitié de saison. On va revenir sur la globalité. Comment ce qu'il veut sur le point qu'il a envie d'aborder. Moi je vais bien. Vas-y. Je mettrai en avant un point que j'ai beaucoup aimé, en même temps ça m'a mis un peu un goût d'inachevé dans la bouche. C'est le fait que les conclusions sont assez rapides. On n'est pas dans le télé-novela qui met 20 épisodes pour annoncer à Gary que sa mère c'est sa soeur. Non, ça va assez vite. Notamment, je prends l'exemple de Lash. En deux épisodes, on découvre son identité, et l'épisode d'après, il est neutralisé. Pareil également avec, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le chef du SHIELD actuel. La Coulson. Non, pardon, du SHIELD de Hydra, le dirigeant de Hydra qui. Ward, alors il y a Ward et puis l'autre. Gideon Malik. Oui, Malik. Gideon Malik. Pareil avec lui. On découvre assez vite ses intentions sont assez très vite dévoilées, et également on a également une conclusion assez rapide à ça. Donc il n'y a pas d'étirement. En même temps, c'est chouette. Et en même temps, bon, on se dit peut-être qu'ils auraient pu en profiter pour faire quelques, je sais pas, pour développer un peu sur certains aspects. Alors du coup, les autres sur cette question de rapidité pour boucler certaines parties de l'intrigue. Ah non, au contraire, je trouve que c'est une bonne idée de pas s'étendre, puisqu'ils auraient pu nous faire croire, ils auraient pu nous cacher l'identité de Lash pendant des épisodes et des épisodes pour nous le révéler en cliffhanger de mi-saison, alors que tout le monde aurait pu le deviner. Coucou le cliffhanger de mi-saison 1 de Flash. Hein. Mais au contraire, ils ont ils s'en sont occupés rapidement pour passer à autre chose et se concentrer sur deux intrigues. C'est énormément d'intrigues et ils arrivent à que tout s'imbrique parfaitement. Tout fonctionne bien, contrairement à une autre intrigue qui dure depuis des saisons et des saisons et qui commence à bien m'emmerder, Ward. Il faudrait bien le buter. Enfin, le buter, mais définitivement. Non, je suis pas d'accord. Alors, on parlera du cas Ward tout à l'heure, parce qu'il y a d'autres choses qui se posent, d'autres questions. Mais c'est une chose vraie, Arnaud. J'ai pas dit le fait de dévoiler l'identité de l'âge, c'était ça le problème. Non, j'ai dit que ça trouvait la conclusion. Et elle était conclue très rapidement. Et je dis bien, c'est pas négatif, c'est pas un point négatif. Mais en même temps, ça laisse un peu un léger goût, ils auraient pu en profiter pour étirer un peu les choses. Pas de façon aussi, pas éternellement. Mais ça, voilà. Après, je dis ça, c'est juste un petit résultat, c'est pas une critique en réalité. Je vais te rejoindre en partie, Irish, sur cette rapidité, entre guillemets. C'est vrai que j'aimerais, moi, qu'on prenne un peu plus notre temps, des fois, à aller un peu plus au fond de certaines choses, à prendre le temps avant de faire certaines révélations. Rappelez-vous, il y a un an, quand on a attendu 10 ou 11 semaines avant d'avoir le mot, ne serait-ce que le mot inhumain qui était prononcé, et on était comme des fous quand c'est arrivé, et on a eu un final de mi-saison qui avait conclu énormément de choses et qui avait ouvert la porte à beaucoup, beaucoup de choses aussi. J'ai pas retrouvé ça sur cette première partie de saison-là. J'ai pas retrouvé cette impatience, à me dire merde, c'est fini, mais non. Enfin voilà, il y a eu quelques fois où c'est arrivé, mais pas à chaque fois comme la saison dernière. Et voilà, il y a des choses sur lesquelles j'aurais aimé qu'on prenne un peu plus de temps. J'ai l'impression qu'il y a la pression des audiences qui parle aussi là derrière et qui vont vite pour faire parler le plus possible et annoncer le plus de choses, faire le plus de twists possible, etc., pour que la série perde pas de rythme et qu'on en parle tout le temps et qu'on fasse tout le temps des alertes spoilers pour parler et que les audiences se stabilisent un peu, parce que c'est quand même la chute vertigineuse. Ça m'embête un peu, parce que j'aimais bien aussi quand on prenait son temps, notamment l'année dernière. C'est vrai qu'il y a toujours un petit peu cette pression des audiences, mais Agents of S.H.I.E.L.D. l'a souvent été, surtout depuis la saison 2, je pense. Et là, en plus, il y a, je ne sais plus quel épisode, je crois que c'est l'épisode 7 qui a fait la pire audience de l'histoire de la série, avec 3 millions et quelques à peine. Donc, moi, il y a un peu de ça, mais en même temps, je trouve qu'ils se sont quand même pas trop mal démerdés pour faire. Pour garder un petit peu leur identité, qui est celle de d'étirer un peu les intrigues en longueur, de bien prendre le temps de poser les choses, d'arriver vraiment à quelque chose, notamment du point de vue de Coulson et de Rosalind et de leur flirt/rivalité vachement développée, qui a un plutôt bon développement, d'ailleurs, notamment du point de vue du personnage de Coulson, dont j'imagine on parlera après, qui permet toujours, donc du coup, de bien lancer les personnages de ce point de vue-là. Malgré tout, du coup, bon, certes, il y a un peu de rapidité, et alors là, du coup, notamment dans la mort de Rosaline par Ward, mais en même temps, c'est pas plus mal, parce que c'est jamais non plus complètement injustifié par rapport aux intrigues, par rapport au fin d'épisode, par rapport à ce qui doit se passer après. Là, la mort de Rosaline par rapport au caractère de Coulson, etc. Donc, je trouve qu'ils continuent d'agencer un peu, enfin, pas trop mal les trucs, tout en mettant des intrigues un peu secondaires, entre guillemets, comme celle de Lash. Je suis d'accord avec Arnaud là-dessus, je suis content qu'on nous l'ait révélé assez vite, parce que ça aurait été vite lourd, et surtout c'était pas l'intérêt principal de cette mi-saison. Donc je comprends ce qu'on peut en dire là-dessus, mais malgré tout, tant que ça bouffe pas complètement l'identité de la série, ça va, ça reste toujours acceptable et toujours appréciable à voir. Ok. Un autre sujet, vous en avez parlé, donc je crois que c'est Arnaud qui a amené le sujet, donc on va parler de lui, on va parler de Ward, on va parler d'Hydra forcément, parce que quand on parle de Ward, on parle d'Hydra. Arnaud qui nous dit, voilà, il faudrait vite le buter celui-ci. Est-ce que vous partagez tout? A priori, toi, Elodie, non, donc qu'est-ce que tu aurais à dire pour la défense de Ward et pourquoi il faudrait pas le buter alors? Elle est amoureuse de lui. Ah, c'est ça, c'est les hormones en fait. On passe le côté physique de la chose. Non, moi je trouve que Ward, depuis le début, est un bon personnage, depuis en tout cas qu'il s'est révélé étant méchant. qui était quand même l'une des grosses révélations quand même de la saison 1. Personnellement, je ne l'ai pas vu venir. Et en saison 2, on se demandait si, enfin, en première partie de la saison 2, s'il allait avoir une rédemption pour lui, s'il pouvait retourner du côté du Shield, etc. On voit, deuxième partie de la saison, que justement ça n'arrivera pas. Au contraire, c'est bien le bon gros méchant du truc. Ce qui est accentué en saison 3, avec, surtout quand justement il tue Rosaline, qui était, je pense, quand même. Un choc. Le sommet voilà, de Ward, du fait qu'il était vraiment le gros méchant. Donc moi, je suis limite déçue que finalement Coulson le tue. Ce sera plus vraiment Ward qui va revenir. Donc déception de ce côté-là, mais. Voilà, on aura à nouveau un Ward qui sera sûrement encore plus méchant, car il est habité par, je sais pas trop, par une créature, on sait pas trop qui c'est d'ailleurs. On sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas c'était ce qui était sur la planète, la fameuse planète bleue. Voilà, exactement. Donc on imagine qu'il restera méchant, que ce sera un, entre guillemets, un nouveau méchant, parce que pour moi Ward a disparu. Oui, bah oui, Ward est bien est mort des mains de Coulson, et a priori ça sera quelque chose d'autre qui va prendre sa place, enfin avec le même corps, mais la personnalité à l'intérieur sera différente, je voilà. pense. Donc, presque déçu que ça ne soit plus Ward, mais bon, j'attends de voir ce qu'ils vont. Encore qu'on a vu que cette fameuse entité, quand il s'agissait de comment il s'appelait. Ouais, de Will. Will. Vachement bien quand même. Hein. On, voilà, il avait quand même une personnalité qui était plutôt cohérente avec ce qu'aurait pu être ce mec-là. Donc, je pense, je pense qu'il peut avoir accès à la mémoire, aux souvenirs. Oui, voilà. Ça. Donc peut-être qu'on y verra que du feu finalement, mais bon. Moi, ce qui m'emmerde avec cette entité, pas pour Gideon Malik en tout cas, pardon Mathieu. Oui. Ce qui m'emmerde avec cette entité, c'est que là, je pense qu'ils ont tapé trop haut. Là, on se trouve avec finalement une créature qui a l'air immortelle. Et voilà, c'est un peu ramener ça sur Terre. Ben ouais, mais pourquoi faire si on peut pas l'anéantir, si quoi que si une fois qu'elle va que le son hôte va être détruit, ben elle va passer ailleurs, on sait même pas comment elle passe, est-ce que c'est quelque chose de matériel ou de diffus, enfin voilà, c'est en plus ils en parleront pas dans les films, donc bah peut-être c'est là que prendra l'importance l'unité de Sky. Après il y a quelque chose de il y a quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est le partenariat entre Marvel et Sony. Donc est-ce qu'on n'a pas une forme de Venom là qui est apparue, une forme de symbiote? Ça ressemble à un symbiote, oui. Voilà, ça y ressemble. Et du coup, est-ce que peut-être secrètement ils auraient fait un deal en disant qu'ils peuvent utiliser un symbiote sans l'appeler Venom, enfin voilà. Et du coup, on a quelque chose qui va voyager d'hôte en hôte et dont on se débarrassera jamais vraiment, a priori. Ah, ils pourront toujours trouver un moyen, je suis sûr. Ah, peut-être qu'ils vont réussir, mais... Vite, peut se démerder pour trouver un moyen de se... Ou le renvoyer tout simplement d'où il vient et le laisser là-bas, quoi. Fermer après, détruire tous les portails, enfin voilà. Comme... ouais. Mais quelque part, c'est pas plus mal, parce que là aussi, ça pourrait donner un nouvel aspect, comme disait Elodie, à Ward. Ça pourrait un petit peu le renouveler, parce que c'est vrai que Ward n'est pas mauvais en soi, comme personnage ou quoi, parce que malgré tout, d'ailleurs, il a aucune base, il a aucune assise de derrière, en termes notamment de légitimité de comics, et donc du coup, enfin, il aurait pu devenir vite chiant. Mais là, enfin, c'est pas que ce soit un mauvais personnage, c'est juste que oui, on nous l'annonce méchant, il est bad guy, mais une fois qu'il a été développé, enfin une fois qu'il a été révélé en tant que bad guy, il était, enfin il a vite un peu perdu de substance, surtout qu'après on lui a collé un mec au-dessus, ou en tout cas une personne au-dessus en termes de méchanceté. Et là, d'abord ça a été Garrett, et ensuite maintenant c'est Malik, et du coup ça reste toujours un éternel subalterne. Alors du coup il est toujours un peu entre deux eaux, entre ses petites prétentions personnelles et le fait qu'il doit se mettre au service du collectif, ce qui trouble un peu, enfin son identité de personnage. Donc du coup là, en étant un symbiote qui est pas vraiment Ward et que dont Malik a conscience, ça peut lui donner un nouvel il a enfin le pouvoir, quoi. Et parce voilà. Que le problème de ce que j'ai, enfin le personnage m'a vraiment saoulé dans cette saison, c'est parce que il tourne en rond, en fait. Il est là avec du vieux. Le Hydra a quasiment été décimé en fin de saison 2. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend la tête d'Hydra pour essayer de reconstruire un truc qui a été détruit. Et en fait, ça tournait un peu en rond, et c'était un peu côté du reste des intrigues. Parce que tout le reste de l'intrigue, c'est les inhumains. Et lui, à côté de ça, il paraît un peu dépassé, un peu rétrograde. Alors que pour la fin de saison, j'ai préféré la fin de saison à partir du moment où il a été associé à Malik, hein, et qu'il a eu un boss, et qu'à partir de là, il a rejoint le reste des intrigues autour des inhumains. Là, il a vraiment eu un but plus important que juste le mec qui a repris Hydra et qui essaie de reconstruire Hydra pour faire chier Coulson et le Shield. Alors, justement, ça... il reprend Hydra pour justement reconstruire l'organisation et devenir le bon gros méchant. Mais ça tourne en rond parce qu'on a déjà vu ça avant. Qu'à la fin de saison, avec comme il rejoint l'intrigue des Inhumains, le personnage devient un peu plus intéressant et sans doute que par la suite il va être plus intéressant maintenant qu'il est mort et possédé. Mais au début, pendant la bonne moitié de saison, voire même un peu plus, les deux tiers, hein, ils tournent en rond. Tout son intrigue sert à reconstruire le Shield encore. On voit pas vraiment reconstruire Hydra et encore on voit pas réellement reconstruire Hydra. Il parle à deux trois mecs, il parle de détruire le Shield, mais il passe pas à l'action. Et après, il y a un épisode où Hunter lui court après pour essayer de le buter. Ça tourne en rond, cette intrigue, et c'est trop déconnecté du reste des intrigues qui sont vraiment toutes liées aux Inhumains. Par rapport à ce que tu dis, justement, je trouvais que il servait plutôt de faire valoir, dans un premier temps, pour la relation entre Bobby et Hunter, et ensuite pour la relation entre May et le docteur Garner. Donc, après, Ward, maintenant, il est plus lié que jamais à l'histoire des Inhumains avec ce qu'il a dans le corps. Il va peut-être devenir intéressant, justement. Alors que c'est là, il tournait en rond. C'est ça qui peut le... Par contre, Arnaud, moi, je comprends pas pourquoi tu es toujours aussi catégorique en disant que la saison tourne autour des Inhumains. Là, sur cette première partie de saison, Alors lâche d'un inhumain, le ATCO recrute les Inhumains, le Shield recherche les Inhumains, Daisy est inhumaine, elle veut créer une équipe d'inhumains, les Secret Warriors. J'oublie une intrigue en dehors de Ward. C'était pas lié aux inhumains, mais finalement, ça a été lié aux inhumains. Quand tu vois, si vous vous souvenez, lorsqu'on avait fait le podcast au tout début, je disais que moi j'avais un petit souci avec cette saison-là, c'est que je ne voyais pas vraiment, il n'y avait pas vraiment de gros fil rouge qui drivait la série. On avait pas mal de petites intrigues par-ci par-là. Et au final, en fin de saison, on se rend compte sur la fin de mi-saison, ce n'était pas lié aux Inhumains, c'était lié plutôt au Shield, à la création du Shield et en gros de ce que le Shield était avant. Par contre, c'est pas lié aux Inhumains. Le Hydra a été créé pour ramener un Inhumain. Tu peux pas faire plus lié aux Inhumains. C'est là la question. Est-ce que le mec qui se ramène, c'est un Inhumain? A priori, ça serait le premier des. A priori, c'est le premier inhumain, comme Apocalypse est le premier mutant. D'accord, ok. A priori, d'après ce qu'ils disent. Non, pas, il y a toujours eu des trucs un peu comme ça dans Shield, donc au final, c'est plus un fond qu'autre chose pour ouais. créer de nouvelles choses, j'ai l'impression. Ouais. Après, on va pas passer non plus la nuit sur Ward, même si ça dérangerait pas tout le monde, et sur Hydra. Il y a d'autres choses qui sont passées dans cette moitié de saison. Cette question de Ward, à la rigueur, voilà, moi ce qui m'emmerde, c'est que ce soit encore à Hydra, et il y a plein d'autres organisations qui auraient pu prendre le relais, et ça aurait pu aussi apporter une espèce de renouveau, sans forcément passer par le changement de personnage, mais avoir un ennemi qui se cacherait derrière quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre qu'Hydra. Voilà, on va ça. Justement, j'ai déjà l'occasion de le dire. Pardon, Mathieu. Hydra tient grâce à l'argument notamment du fait que si tu butes une tête, il y en a deux autres qui repoussent. C'est pour ça que. D'accord, mais on peut la mettre en sommeil pendant une saison et puis elle revient un an après. Mais... Ouais, mais ils avaient peut-être un projet à long terme de ce point de vue-là. Certainement même. Oui, peut-être. Oui. Peut-être qu'ils n'avaient pas autorisation d'utiliser autre chose parce que c'est la télé et que voilà. Ils n'ont pas de droit, je sais pas. Bref. Alors, les TCU, du coup, c'est quand même une des nouveautés de cette saison. Quand même eu des choses nouvelles. Organisation menée donc par la fameuse Rosalind. Bon ajout ou pas? Oui. Notamment du point de vue de la relation avec Coulson, parce que là du coup je trouve que ils ont vraiment bien laissé l'ambiguïté par rapport au fait que ça pourrait être des faux alliés, des gens qui vont juste mettre des bâtons dans les roues, etc., pour finalement sur la fin un petit peu dévoiler les cartes avec une tension qui aurait clairement pu basculer d'un côté comme de l'autre, et ça a basculé en faveur du Shield entre guillemets, puisque bon, Rosaline décide de s'allier avec le Shield. Donc ça bascule bien. Donc du coup ils ont fait le choix du positif, donc très bien. Et encore mieux, ils ont permis par cela de renforcer un peu le Shield, dans le sens ils doivent se démerder. Non seulement ils doivent se démerder tout seuls, non seulement ils n'existent plus, mais en plus on leur inflige une organisation non gouvernementale aux méthodes un peu peu catholique, et après non seulement ça les a un petit peu, enfin ça les a obligés à se faire un peu de mal de ce point de vue-là, mais en plus ça a vraiment un peu transfiguré Coulson, et surtout sur la fin de saison. Donc moi je trouve que là pour ces raisons c'est plutôt pas mal comme jeu. En tout cas ça a jamais vraiment dérangé. C'est là aussi que Ward d'ailleurs est un peu casse-tête, parce qu'il met un peu des bâtons dans les roues vu qu'il n'avance pas des masses par rapport à ce genre de d'interaction entre les différentes parties. Mmh. Ouais, je suis d'accord avec Léo. Et en plus de ça, l'ATCU a permis quelque chose qui est assez nouveau dans le Shield, c'est d'amener il y a beaucoup d'intrigues amoureuses, hein, alors que dans les saisons précédentes, c'était plutôt Sky et Ward, et un petit peu Fitzsimmons, mais légèrement. Ouais, aussi Bobby Hunter. Oui, dans la saison 2, ils ont rajouté Bobby Hunter, mais Daisy Ward, c'était fini. Là, on a Daisy Hunter, Fitzsimmons qui... Daisy Hunter Hunter et Bobby. Ah ouf. Hunter et Bobby. Fitzsimmons qui prend encore plus d'importance cette saison, contrairement à la saison précédente où c'était 2-3 épisodes dans la saison et encore. Plus Coulson et Rosalind. Et puis Daisy avec Lincoln. Lincoln, oui. Ça manquait pas, Arnaud. Il y avait pas mal d'intrigues amoureuses. Hein. Oui, ça fait beaucoup. C'est un ajout assez nouveau, je trouve, dans la saison. C'est beaucoup plus axé sur les relations amoureuses des personnages, surtout Coulson et Rosaline. C'est un élément assez important qui en plus est rejoint par d'autres intrigues, ETCU, Daisy qui ne fait pas confiance à ETCU, qui commence un peu à douter de Coulson, notamment de la manière dont il traite les inhumains. Et du coup, ça, c'est un élément nouveau que j'ai trouvé intéressant, et c'est pas non plus devenu ultra chiant comme ça peut être le cas dans les séries de la CW, où tout tourne absolument autour de quasiment toutes les deux scènes, il y a quelque chose autour de la relation amoureuse des personnages. Alors que là, j'ai pas pensé, mais il y a aussi le Dr. Garner et. Bah oui, quand même, avec May. Et May, quand même. Hein. C'est quand même un élément important, et c'est bien introduit, je trouve. Ils l'ont bien introduit avec parcimonie dans les épisodes. C'est assez calme, ils en font pas trop, et je trouvais que c'était un bon élément qu'ils ont rajouté cette saison qui fonctionne plutôt bien. Bah, je sais pas, moi je trouve que même les saisons précédentes c'était déjà très orienté amour. Il y avait les relations amoureuses étaient très présentes. Si tu regardes dans la saison 2, t'avais déjà la relation, entre le père de Daisy et sa mère, qui était également un élément clé de. Oui, de j'ai dit relation amoureuse. Hein. Bah, c'était une relation, parce que c'en était une, même si elle était pas partagée, ou même si elle était un peu, elle était pas forcément, même pas qu'elle était pas partagée, mais. Ouais, mais c'est pas non plus des personnages très importants, et ça. Ah, ils ont été très. C'était moins mis en avant que la relation père-fille, hein, ou mère-fille, hein. Ah ouais, mais c'était moins mis en avant que la relation entre. C'était tout autant central, puisque c'était soit un élément déclencheur, soit un élément. C'était toute la motivation de Lincoln. Du père de Daisy. Ouais, enfin, je trouvais que c'était beaucoup moins mis en avant et. Et si tu regardes, c'était aussi par rapport à ça. Une fois que Daisy est transformée et qu'elle revient, c'était par rapport à la relation amoureuse. Le fait qu'il voulait aussi reconstruire sa famille. Mais bon, je pense que ce qui est nouveau, c'est par rapport à Coulson. Qu'on voit Coulson amoureux. Voilà, exactement. Qu'il soit un peu, on va dire, drivé par une femme, et que des fois, ça prenne un peu ses sentiments en otage. Mais en fait, Coulson, c'est assez intéressant parce que du coup, c'est cette relation-là, c'est presque la seule chose qui le maintient humain. Parce que pour le reste, il devient de plus en plus une mécanique robotique. Ouais. Et là, il va donc le devenir totalement. On insiste beaucoup sur sa main. C'est avec cette fameuse main, d'ailleurs, qui tue Ward. Hein. C'est Ward, pas, ouais. Pas, c'est pas pour rien non plus. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une espèce de transformation, comme si, un peu comme s'il pourrissait de l'intérieur, en fait, et que de plus en plus, il perdait toute humanité, et que la dernière chose qui lui restait, c'était cet amour-là avec Rosalind. Et que maintenant qu'il a plus ça, Enfin, on le voit prendre une décision assez radicale, quoi. Qui n'est pas motivée par quelque chose de logique et de rationnel. Sa décision de tuer Ward est motivée uniquement par le fait qu'il a tué sa bien-aimée. C'est un peu rapide, mais il est plus dans le côté mécanique qu'il a pour prendre ses décisions. T'as l'impression qu'il a un ou deux coups d'avance quand il te dit fais ça, et voilà. On a perdu un peu. Comme tu dis à Mathieu. C'est à peu près on a l'impression qu'il est en train de perdre toute humanité. Et là, de fait, les intrigues amoureuses, et surtout celles de Rosalind, sont vraiment transcendantales dans cette moitié de saison. Hein. Quand on voit que Coulson est devenu, c'est lentement dégradé entre guillemets en termes de, que ce soit physique, donc avec sa main, mais aussi du fait qu'il prenne des décisions de plus en plus contestables et contestées, qu'il devienne un peu un nouveau Nick Fury, tout ça, il commence un peu à se tasser là-dedans, et le fait de lui donner une intrigue amoureuse qui aurait pu être une idée absolument complètement foireuse sur le papier et en faire un espèce de chevalier servant fleur bleue, au contraire, ils l'ont plutôt bien géré. Ils butent Rosalind au bout de 5 minutes de l'épisode 9 ou 10, je sais plus, pour tout de suite le remettre dans l'action et le transformer radicalement. Et comme tu disais, Erich, c'est maintenant ces décisions, c'est plus seulement d'inconscience, mais conscient, parce que quand il prenait des décisions, malgré tout, c'était des vrais coups de poker un peu gagnants, mais vraiment quelque chose de purement motivé par des sensations, des sensibilités, tout ça. Tuer Ward, ça n'a aucun intérêt à ce truc, à part le faire passer un peu pour un meurtrier. Et là, il n'hésite pas, quoi. Et surtout, il se sert de sa main un peu symboliquement, pour montrer que, voilà, il est lui aussi un peu brisé. Reste à voir maintenant, comment il va prendre le retour de Ward dans la gueule, quoi, parce que... Est-ce que quelqu'un a déjà remarqué à quel point le sourire de ce mec est énigmatique? Tu sais pas s'il est content ou s'il est, ou s'il est triste ou s'il t'en veut ou s'il en veut. Oui, il a un sourire très particulier et cette manière qu'il a de jouer avec sa main. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué moi sur cette moitié de saison, c'est que il se passe pas un épisode sans qu'il soit pas en train de la déboîter, de la remettre en place, de faire un truc avec. Il y a vraiment un truc presque de... Non, mais je pense qu'il va le montrer. C'est pervers des fois, quoi. Quand il est là et qu'il regarde avec son espèce de sourire et qu'il remet sa main en place ou quoi, on se dit... Mais je pense qu'il va nous montrer aussi à quel point lui ça le dérange et que ça l'affecte d'avoir perdu sa main. Ouais, c'est pas absolument. Peut-être. C'est pas tu sens qu'à chaque fois, justement, il est pas à l'aise, que ça l'énerve cette main robotique, quoi. Oui, c'est vrai. Parce que le fait d'avoir tué Ward avec ça montrait qu'il prenait possession de sa nouvelle main et qu'il allait en faire quelque chose, une arme et tout ça, quoi. Peut-être, oui. Bon, voilà pour le cas Coulson, les TCU, donc du coup on en a parlé, Hydra on en a parlé, Ward aussi. Fitzsimmons. on est connecté, Léo. Effectivement, Fitz et Simmons, et j'ai envie de dire Simmons et Fitz. Parce que autant la saison 2 a été une grosse révélation pour Fitz dans la série, là il continue son évolution, effectivement il continue à être de mieux en mieux. Mais là, cette première moitié de saison 3, c'est aussi. Enfin, la révélation de Simmons en tant que Simmons, et avec des choses assez fortes qui lui arrivent, notamment cet épisode 4722 heures là sur la planète, où on apprend ce qui est passé quand elle a été prise par le monolithe, son intrigue, son tiraillement entre Will et Fitz, enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses autour de Simmons. Bah, on est tous d'accord pour dire que c'était un superbe épisode. Bah, ça a été élu le meilleur épisode de l'année, hein, quand même, chez nous. Il y a une raison. Oui, non, on va pas revenir sur les qualités de cet épisode, qu'effectivement, voilà, c'est très très bon épisode, mais voilà, Simmons, ça y est. Simmons, ils l'ont vraiment complètement désinhibé, quoi. C'est assez hallucinant la manière dont ils l'ont fait, en l'envoyant sur une planète complètement paumée, sans ses outils, sans Fitz, sans rien, juste son téléphone pour galérer un peu. Et surtout, ça renvoie un peu, je trouve qu'il y a un parallèle un peu avec Fitz, dans le sens où quand il l'avait envoyé sur le terrain, quand il l'avait vraiment envoyé dans le feu de l'action, et Fitz d'ailleurs, il s'en est jamais vraiment Remy, puisqu'après, une fois qu'il a été dans l'action, Ward lui a fait un petit peu payer son inexpérience et lui avait un petit peu grillé quelques circuits dans sa roue. Et là, ils ont un peu refait ça pour Simmons, en peut-être encore plus intense, et ils l'ont complètement débloqué, désinhibé. C'est vraiment hallucinant. Enfin, le traitement un peu du tandem de ce point de vue, c'est assez dingue. C'est vrai. Fitz qui est toujours le roi de la catchphrase. On a Cisco dans Flash et on a Fitz dans Agents of Shield qui nous en a encore fait une. Alors j'arrive pas à me la remettre en tête. Je cherche depuis tout à l'heure. Okay, c'est quand, à quel moment, tiens ? Non, je sais plus. Mais il sort une réplique. Bon, il arrive pas au niveau de Cisco quand même. Bah, c'est moins récurrent. Oui, c'est ça. Il en sort moins. C'est... Voilà. Après, effectivement, ils ont leur évolution, évolution intéressante. Le Shield a tendance à se développer, à s'étendre un peu. C'est vrai que l'année dernière, c'est un peu l'inverse. L'année dernière, on avait un Shield un peu cheap et Hydra qui était un peu plus hégémonique. Là, cette année, on est revenu sur du Hydra. Enfin, Hydra, ils sont combien, quoi ? Ils sont 30, quoi. C'est clair. En gros, voilà, ils sont 30, ils ont une base. Et du carton, et voilà quoi. Un chef et le mec qui fait le sale boulot. Quoi. C'est ça. Alors que le Shield, lui, a tendance maintenant à reprendre un peu du poil de la bête, à s'étendre. On voit qu'ils ont plus de moyens, ne serait-ce que techniques, avec leurs nouveaux véhicules, dans nos avions, et tout ça. Voilà, ils sont de retour dans le jeu, quoi. Oui, c'est ça, ils ont une vraie facilité d'hierarchie. Tu vois, genre, Coulson, il laisse en deux secondes, il laisse son poste de directeur à Mac sans problème. Sky, il a une grande liberté. Hunter fait globalement ce qu'il veut. Il n'y a que Bobby, en fait, qui est un peu mise sur la touche parce que, bon, elle s'est quand même pris une balle dans le poumon, donc forcément, voilà. Mais, il y a une vraie. Il y a un espèce de bordel organisé vachement important, quoi. Après, on parlait de celui qui fait le sale boulot pour Hydra. Bobby, c'est un peu celle qui fait aussi le sale boulot pour le Shield. De plus en plus, il l'envoie faire des trucs un peu borderline, et c'est peut-être aussi ce qui va nous amener à sa série Most Wanted. Si série a lieu, mais du coup, voilà, ça serait une série quand même qui s'appellerait Marvel's Most Wanted, quelque chose comme ça. Mais il est génial, ça veut dire qu'on va lui faire des choses de plus en plus borderline, et elle va devenir quelqu'un un peu de Black Ops. Je l'ai dit cette fois, mais elle est géniale. Oui, elle est géniale. Je voudrais juste revenir sur Simon Fitz. Parce que cette saison 3, je trouve, tourne un peu en rond quand même par rapport à leur relation amoureuse. Et que ça devient quand même un peu lassant. Alors, je sais pas s'il y a que moi qui ai eu cette impression, mais ça fait quand même plus de saisons qu'ils se tournent autour. Bah, ça y est, enfin, ils ont arrêté de se tourner autour et ça y est, quoi. Ouais, mais sauf que le problème, c'est qu'il y a. Il est amoureuse de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est « je t'aime plus, c'est pas le bon moment, genre ça va se faire, non, il y a un élément perturbateur. » C'est exactement comme les séries de la CW. Il est rentré dans la friendzone, quoi. Il fallait amener un triangle amoureux, etc. Alors, je sais pas comment ça va évoluer, vu que Will est mort, et donc il y a plus de triangle amoureux, ils seront que deux, mais elle va forcément dire « bah non, je peux pas. » Pour le coup, je suis pas sûr qu'elle ait hésité très longtemps entre Will et Léo. Moi, pour le coup, elle a déjà fait son choix depuis un petit moment, mais bon. Après... Puis, s'il te plaît, le triangle amoureux, il a duré deux épisodes. La CW, c'est deux saisons. Mais je pense que c'est plutôt du côté. Il n'y a rien eu à part un petit bisou. Ouais, mais le doute est plutôt du côté de Fitz, qui est persuadé qu'eux et qui, du coup, n'ose pas. Oui. Et pas du tout du côté de Simmons, pour qui c'est plutôt clair, à mon avis. Même Will s'en doutait, il lui fait comprendre je sais très bien ce que tu ressens et il va le rejoindre. Hein. Bah très bien, mais en attendant, dans les faits, ça fait quand même, ils continuent à se tourner autour et il ne se passe rien, ce qui devient, je trouve, un peu quand même lassant dans leur relation. Bah, c'est malgré tout, c'est quand même pas non plus très montré à l'écran, très lourd, très, très chiant à suivre, parce que bon, après tout, c'est le propre un petit peu de ce duo de personnages depuis le début, que de se tourner autour, que de se dire je t'aime moi non plus, que d'être, de pas savoir s'ils sont meilleurs amis ou amants ou. S'ils sont faits vraiment l'un pour l'autre, il y a une vraie recherche un peu de ce point de vue-là en les envoyant tout le temps sur le terrain, en ayant vu Fitz qui s'était sacrifié pour Gemma, quitte à y perdre des capacités cérébrales. Cette fois, Gemma qui s'est débrouillée toute seule et qui a rencontré quelqu'un d'autre qui était complètement paumé. Enfin, malgré tout, les événements qui leur arrivent et l'intrigue et tout, continuent, je pense, de bien servir leur propre, l'espèce de shipping que représentent les deux. Et voilà, enfin, mais c'est vrai, mais si ça peut te rassurer, je pense qu'à la fin de la saison, on y verra clairement, enfin, nettement plus clair sur, sur leur relation, quoi, parce que... Et ben moi, je vais vous dire, j'espère pas, parce que je suis... Je pense qu'ils vont se rendre effectivement autour, mais je suis persuadé qu'au moment où ils vont être vraiment ensemble, il y en a un des deux qui va mourir, donc j'espère que ça va être le plus loin possible. Tu penses vraiment ça? Bah, j'en suis persuadé. On rappelle que c'est une série de Joss Whedon, hein. Enfin, en tout cas, de la famille Whedon, puisqu'il n'est pas très impliqué, mais il y a quand même son frère et sa belle-sœur. Ils vont mourir, quoi, mais... Donc, je sais pas, voilà, c'est pour ça que je redoute le moment où ils vont être ensemble, parce que je pense qu'ils vont être séparés par la mort cette fois. Donc... Je pense que ce serait Fitz qui passerait, et je veux pas voir ça. Ce serait la pire chose du monde. Mais... Ah, je pense vraiment qu'ils sont capables de le buter à la fin de la saison. Non, mais c'est vrai que, enfin, si... c'est pas complètement impossible. Après tout, on est dans une série de comics, hein. Tout peut a priori arriver. Hein. Ils ont pas eu une grosse perte depuis le début. Ouais, pas de grosses pertes en sens membre fondateur. Ouais. Mais c'est vrai qu'au bout de 3 ans, il y en a peut-être un qui pourrait y passer. Quoi. Ah, c'est possible. En plus, ils ont coupé un bras de Coulson. Oui. Oui, pour ça, ils ont tué que des personnages plus intéressants. Donc, genre, ils pourraient tuer Mac, on s'en foutrait également. Quoi. Oh, je sais pas si d'accord. Peut-être pas quand même, hein. Non, ouais, peut-être pas. Mac est quand même vachement important, surtout son association. Son association avec Daisy. Bah, puis maintenant qu'il devient le numéro 2, hein, Coulson, c'est à lui qui laisse le pouvoir quand il part, donc. Mais le personnage en soi n'est pas intéressant, moi, je trouve. Donc, il pourrait disparaître de la série, je suis pas sûr que ça changerait grand chose. C'est peut-être pas qu'il est pas intéressant, mais les scénaristes le rendent pas intéressant parce que. Il n'y a pas réellement d'intrigue à côté. Il est avec Daisy, c'est la colline de Daisy, mais il la suit presque comme un chien en mission. Enfin, il n'a pas d'intrigue à côté, à part quand il devient le numéro 1 en remplacement de Coulson. Du reste, il a fait venir Martinez, enfin l'autre branche du Shield un petit peu radical là, dans la saison dernière. On va pas faire des intrigues sur tout le monde aussi, ce sera un peu... Oui, aussi. C'est pour ça qu'il faut en faire mourir. Voilà. Trop de personnages. Bon, allez, on va pas s'éterniser plus que ça. Ça fera bientôt 45 minutes qu'on est sur la série. Vous avez d'autres choses à dire? On n'a pas parlé de Daisy, du coup. C'est vrai, c'est un peu le personnage. Est-ce que c'est nécessaire? Bah, c'est le personnage principal, je pense. Bon, bah, je trouve pas, personnellement, je trouve qu'elle devient très chiante cette saison. Non, mais je veux dire, en principe, c'est le personnage principal. Bon, après, c'est elle qui est au centre, quand même. Oui. Bah, parce qu'elle est inhumaine et que c'est la seule inhumaine du Shield, entre guillemets, mais. C'est elle qui vient former un escadron avec d'autres éléments. Ouais. Bah, et puis, bon, on l'a vu, c'est le proto Secret Warriors et. Enfin, ça rendait assez cheap dans le final. Hein. Mais pour l'instant, en fait, elle joue un peu le rôle de jeune fille qui se suicide avec son papa, parce que c'est à peu près ça avec bah oui, mais là, avec Rosalie, qui était un peu comme la belle-mère et Coulson le papa, et donc elle n'était pas contente parce que son papa avait une belle femme, et donc du coup, il prenait des décisions un peu par rapport à elle, donc il y avait un peu le côté adolescente. Dans son comportement. Donc vous, elle vous a exaspéré en fait. Non, elle m'a pas exaspéré. J'aime bien ce personnage. Hein. Et même il y a quelques scènes, notamment quand elle sauve Rosalie, qu'après elle dit bah, je savais pas que je pouvais faire ça. Moi, j'ai trouvé ça marrant. Ok. Ouais, mais elle est plus anecdotique cette saison. Et s'il y a des moments, elle est quand même assez énervante. Après, c'est bien aussi de la mettre un peu en retrait et qu'elle laisse la place aux autres pour mieux revenir peut-être leur deuxième partie ou l'année prochaine, on ne sait pas. Oui, aussi. Avec cette fois sa vraie équipe qu'elle est quand même en train de former petit à petit. Voilà. Alors oui, ça paraissait cheap, mais en même temps, c'est des gens qui n'ont jamais travaillé ensemble. Donc... Bah, là, t'as déjà un petit aperçu dans le final, dans le mid-season final. Oui, voilà. Et puis, c'est des gens qui n'avaient jamais travaillé ensemble. Puis, il y en a un ou deux sur les trois qui n'ont peut-être pas forcément très envie d'être là encore pour le moment. Donc... Mais surtout la saison dernière, on se concentrait sur le développement de ses pouvoirs, ce qui était quelque chose d'intéressant, alors que là, elle a l'air de dire qu'elle les maîtrise et qu'ils voilà, ils veulent juste trouver d'autres personnes. Et on ne s'attarde pas justement assez sur les nouveaux, sur d'autres personnes qui ont des pouvoirs qu'ils pourraient apprendre à les développer. Bah, il y a Léo, Jeff. Ouais, c'est Jeff. Ouais, mais c'était très peu. c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup. On n'a pas trop le temps, à ce moment où c'est qui les prend, on n'a pas trop le temps de s'attacher sur eux. Donc maintenant que tout ça, ça va être un peu résolu, on va peut-être avoir le temps un peu de les voir avant qu'ils soient mis dans le caisson, quoi. Comme on les a très peu présentés, ces personnages, et qu'on ne s'est pas attaché à eux tout de suite, personnellement, je m'en fous de les revoir par la suite pour le moment. Oui. Ah bah oui, de toute façon, mais après, ce sera peut-être... C'est peut-être aussi à cause de ce dont on parlait tout à l'heure, le trop plein d'intrigues et qui sont clairs peu vite, ça fait beaucoup, et donc au final... Voilà, pour moi, on a beaucoup de choses, beaucoup de personnes, beaucoup d'histoires. Si on pouvait se détendre un peu, ce serait pas mal, effectivement. Bon, allez, la saison va reprendre... pas maintenant, hein, faut laisser à John Carter le temps de... C'est dans longtemps. C'est dans longtemps, mais on a quand même à John Carter pour patienter entre les deux, et puis on a quand même pas mal d'autres trucs qui vont revenir avant et tout. Donc c'est bien de pas avoir ça en plus de tout le reste. On va souffler un peu. La meilleure des séries, quoi. Ouais, le problème c'est que c'est pratiquement ma série principale. Hein. Les autres, ils peuvent même disparaître. Bon, c'est pas... Heureusement qu'il y a The Walking Dead qui revient. Ouais, et Lucifer qui arrive. Il y a surtout Flash, il va pas trop vite en besogne, et puis il y a Legends of Tomorrow qui arrive. Voilà. Il y a peut-être plus de motifs de s'enflammer là. Ah, il y a Power, c'est pas Power, c'est pas maintenant. Attention à les Jones. Ça va être sans doute au printemps, je pense. Ah oui, Jones of Shift sera revenu ici. Oh, je sais pas, ça m'intéresse pas. Bien, allez, on va boucler ce bilan de mi-saison d'Agents of S.H.I.E.L.D. On y reviendra du coup en mars. Hein. Là, on va pas parler de la série pendant un petit moment. On en reparlera dans 2 ou 3 mois maintenant. On va revenir la semaine prochaine. Donc, le mag numéro 35 mardi, et le prochain bilan, encore une fois, de mi-saison, c'est effectivement Arrow qui sera le bilan de mi-saison 4. Et on va encore avoir des choses à dire. D'ici là, évidemment, bonne série et à bientôt. Salut. Salut. Bonne soirée, bonne année. Bonne année.